Et je vous propose qu'on fasse nos infos qui passent à la trappe. Bonne réponse. La première, l'orchestre de chambre du Danemark a auditionné des chiens pour participer à un spectacle de musique prévu en septembre 2023 lors du festival Haydn de Copenhague. Ok. Deux chiens sont sélectionnés pour accompagner la symphonie de Mozart père intitulée La Chasse. Voilà, c'est la fin de l'info. Non, bah, il faut déjà le faire déjà pour avoir des chiens qui chantent. Oui. Qui dans le monde fait ça? Non, je sais pas. Bon, qui est prêt à faire le chien là? Moi, je vous imaginez le délire? Chien numéro 1, Rex, c'est à toi. Chien numéro 26, Pitchune, quand tu veux. Chien numéro 73, Gribouille. Nous allons dénommer. On est où? Nous allons donner les résultats. La grande gagnante est Pitchune, les deux autres. C'est pire en pire ces infos. Qu'est-ce qu'il fume? Mais qu'est-ce qu'il fume pour écrire ça? Deuxième info, une jeune maman a raconté l'histoire de ses beaux-parents qui ont refusé de rencontrer leur petit-fils en raison de son prénom. Selon la tradition de la famille des beaux-parents, le fils aîné de chaque génération doit porter le nom de Pété. De Peter. Peter, oui. Excusez-moi, je suis fatigué. Cependant, la mère a expliqué que cela était impossible car ce prénom rappelait un événement tragique de la famille. Bien que les beaux-parents aient insisté pour que la tradition soit respectée, le bébé est né avec un autre prénom. Les beaux-parents ont été furieux et ont offert pas moins de 1000 euros à la mère pour qu'elle change le nom de l'enfant. Ah oui, on était carrément sur une rançon. Un rachat. Achat de gosse. J'achète le gosse, on change le nom. Depuis lors, les beaux-parents n'ont pas vu le bébé, ce qui a créé des tensions au sein de la famille. Je vous laisse deviner qu'il n'a pas changé de nom. Il ne s'appelle toujours pas Peter. Dommage pour les beaux-parents, hein. Leur nom de prédilection pour leur petit-fils. Mais au moins, ils peuvent toujours apprendre à écrire un nouveau nom sur leur carte de vœux de Noël. Bah ah, oui, c'est vrai, c'est pas con ça. Il n'y a pas que Peter dans la vie. C'est vrai. Et c'est super rentable, t'imprimes 100 cartes de Noël Peter et tu les distribues durant 15 ans. T'es tranquille, toute la famille en a. C'est génial. C'est bien pensé. Troisième et dernière info, le naturisme FFN Rhône-Alpes organise une exposition intitulée Incarnation, le corps, dans la collection de Marc Lyon, acte 1. Ok. Où les visiteurs sont invités à être nus, bien sûr. Ah. Le musée considère cette exposition comme une occasion de visiter les œuvres d'une manière inédite. Oui, je veux bien comprendre. Oui. Ouais. Monsieur, oui, vous devez également entrer sans votre slip. Hein. Bien essayé, hein, mais votre idée...